consomme mon son sans modération. Nouvelle ou ancienne, j'ai des générations. T'inquiète en rime, j'ai des générations. Et je m'en fous que ça passe sur tes stations. Consomme mon son sans modération. Nouvelle ou ancienne, j'ai des générations. T'inquiète en rime, j'ai des générations. Et je m'en fous que ça passe sur tes stations. Si le savoir est une arme, il est grand temps de la sortir. Je les tue, rongé par l'ennui, grosse envie de meurtre. Je fais du bruit jusque tard la nuit, j'écris ici pour construire s'ils veulent détruire. Les blancs, je les étudie partout, je suis la même merde, les mêmes gens en manque de mailles. C'est là que s'ouvrent les portes du mal, conduit les gosses sort de la porte et des balles. Politica remballe ta diarrhée verbale, là où je veux le bien, tu veux le mal. Décale débile, je déballe l'arsenal, tranquille je m'installe sur l'instrumental, vite fait de spi. Pour les amis, la famille, j'ai mon verre de whisky. À la vôtre, à la nôtre, à ceux que la mort nous a pris, à ceux qui verront bientôt la vie. Moi, peu importe jusqu'à quel âge je vis, j'oublierai pas que je viens d'un lâche vie et que je ne marche pas avec les lâches de ta ville. Si je vais au charbon, c'est pour aider la famille. J'évite les ch'tards, mais bon, ils m'ont dans le collimateur. Enfin, passe au classon, mettons de côté la pression. Consomme mon son sans modération. Nouvelle ou ancienne, j'ai des générations. T'inquiète en rime, j'ai des générations. Et je m'en fous que ça passe sur tes stations. Consomme mon son sans modération. Nouvelle ou ancienne, j'ai des générations. T'inquiète en rime, j'ai des générations. Et je m'en fous que ça passe sur tes stations. Même si ça passe pas sur tes stations, je fais pas toujours dans la discrétion. C'est pas de la distraction, mais une opération. En clair, je repère et je me sers pour payer l'addition. Accepte donc mon invitation, cède à la tentation, c'est la tradition. Lève ton verre à la santé des frères et des sœurs, laisse parler ton cœur. Tant que tu respires encore hardcore, tant que je pourrai, je remuerai ciel et terre pour aider père et mère qui sont dans le périmètre. Même s'il y a pas grand chose à faire, car je suis pas milliardaire et que j'ai des idées de révolutionnaire. Je suis militant et je serai jamais militaire. Et si un jour je décidais de tout foutre en l'air, tout jouer sur un coup de poker, moi-même je sais que c'est soit le sourire du joker, soit le regard du cocker. Je te parle pas d'une histoire de cocard, connard, mais bel et bien d'une bastos dans le cigare pour une poignée de dollars. Consomme mon son sans modération. Nouvelle ou ancienne, j'ai des générations. T'inquiète en rime, j'ai des générations. Et je m'en fous que ça passe sur tes stations. Consomme mon son sans modération. Nouvelle ou ancienne, j'ai des générations. T'inquiète en rime, j'ai des générations. Et je m'en fous que ça passe sur tes stations.